Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Notre mission aujourd'hui, c'est d'examiner une fiche technique assez particulière. Oui, un modèle très très spécifique. Bon, en tant que collaborateur chez UTAC, on a l'opportunité de voir passer des véhicules vraiment intéressants. C'est ça. Et celui qu'on met en vente actuellement mérite une vraie dissection. Absolument. On va se pencher sur le Mercedes-Benz Citan 112 CDI Pro. Alors, pour situer un peu, c'est un modèle de 2023. Quasiment neuf, en fait. Bah oui, il a que 28 500 km au compteur. C'est rien du tout. Ce qui est fascinant avec ce véhicule, c'est qu'il redéfinit vraiment le concept d'utilitaire. C'est plus juste une simple camionnette. C'est un véritable partenaire de travail. Exactement. D'ailleurs, l'anecdote sur le nom Citan, c'est pas un hasard. J'ai appris que c'était la contraction de City pour sa capacité à se faufiler en centre-ville. Et de Titan pour la robustesse face aux charges lourdes. C'est une belle image. C'est très bien pensé, ouais. Et sous le capot, on a le cœur de la bête. Le fameux moteur diesel, un 112 CDI de 116 chevaux. Avec une boîte manuelle, oui. Et c'est crucial de comprendre pourquoi cette motorisation est idéale. Surtout pour les livraisons urbaines, on est d'accord. Carrément. Ce moteur, il offre un couple parfait à bas régime. Donc, quand on fait des livraisons en ville, on s'arrête, on repart, sans arrêt. Les fameux stop and go. Voilà. Pouvoir repartir sans effort à chaque fois, ça change tout. Et ça garantit une sobriété exemplaire aussi. Ce qui maximise directement la rentabilité pour les professionnels au quotidien. C'est clair. Mais au-delà des performances, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le confort. Ah, la finition pro. On a un habitacle digne d'une berline. Le cockpit est redessiné. Et c'est aussi intuitif que celui d'une Mercedes Classe A. Avec deux places avant, hyper confortable. Tout en gardant un espace de chargement gigantesque à l'arrière. C'est le meilleur des demandes. Et niveau technologie, il y a deux équipements majeurs à retenir sur ce modèle. Je pense tout de suite à la caméra de recul. Indispensable aujourd'hui. Ça évite les petits accrochages qui coûtent cher. Et surtout, on gagne un temps fou en manœuvre. Exactement. Et le deuxième détail qui change tout, c'est la présence de l'attelage. Ah oui, pour tracter une remorque. Ou ramener du matériel supplémentaire sur un chantier, sans avoir besoin de louer un plus gros fourgon. Ça décuple la polyvalence. C'est ça. Donc si on résume, les atouts de ce modèle mis en vente par UTAC, on a un outil à peine rodé. Qui allie l'image de marque prestigieuse de l'étoile. Une sécurité active de pointe et une isonorisation très moderne. Au final, ça nous montre une chose sur l'évolution du monde professionnel. C'est-à-dire ? Un véhicule utilitaire aujourd'hui, ça dépasse sa simple fonction d'outil. Ça devient une vraie carte de visite mobile. C'est tout à fait ça. Ça reflète le sérieux et l'exigence de l'artisan ou de l'entreprise qui l'utilise. À bientôt pour une nouvelle découverte.